Le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des idées du jeté ont publié le 28 mai une déclaration commune en signe de soutien au communiqué important du commandement suprême et à la note de l'état-major général de l'armée populaire de Corée à propos de la provocation militaire grave des bellicistes sud-coréens qui ont fait intrusion dans les eaux sud-ouest de la République populaire démocratique de Corée et ont tiré sur un ferryboat de la marine de l'armée populaire de Corée en service régulier.